Encouragé par tant de bonté, je lui demandai des nouvelles de Dieu, et s'il l'avait vu récemment. Il me répondit, avec une insouciance nuancée d'une certaine tristesse, « Nous nous saluons quand nous nous rencontrons, mais, comme de vieux gentilshommes, en qui une politesse innée ne saurait éteindre tout à fait le souvenir d'anciennes rancunes. Il est douteux que son Altesse ait jamais donné une si longue audience à un simple mortel, et je craignais d'abuser. Enfin, comme l'aube frissonnante blanchissait les vitres, ce célèbre personnage, chanté par tant de poètes et servi par tant de philosophes qui travaillent à sa gloire sans le savoir, me dit « Je veux que vous gardiez de moi un bon souvenir, et vous prouvez que moi, dont on dit tant de mal, je suis quelquefois bon diable pour me servir d'une de vos locutions vulgaires. Afin de compenser la perte irrémédiable que vous avez faite de votre âme, je vous donne l'enjeu que vous auriez gagné si le sort avait été pour vous, c'est-à-dire la possibilité de soulager et de vaincre pendant toute votre vie cette bizarre affection de l'ennui qui est la source de toutes vos maladies et de tous vos misérables progrès. Jamais un désir ne sera formé par vous que je ne vous aide à le réaliser. Vous régnerez sur vos vulgaires semblables. Vous serez fourni de flatteries et même d'adorations. L'argent, l'or, les diamants, les palais féeriques viendront vous chercher et vous prieront de les accepter sans que vous ayez fait un effort pour les gagner. Vous changerez de patrie et de contrée aussi souvent que votre fantaisie vous l'ordonnera. Vous vous saoulerez de volupté sans lassitude, dans des pays charmants où il fait toujours chaud et où les femmes sentent aussi bon que les fleurs, etc., etc., ajouta-t-il en se levant et en me congédiant avec un bon sourire. Si ce n'eût été la crainte de l'humilier devant une aussi grande assemblée, je serais volontiers tombé au pied de ce joueur généreux pour le remercier de son inouïe munificence. Mais, peu à peu, après que je l'eus quitté, l'incurable défiance rentra dans mon sein. Je n'osais plus croire à un si prodigieux bonheur, et, en me couchant, faisant encore ma prière par un reste d'habitude imbécile, je répétais, dans un demi-sommeil, « Mon Dieu, Seigneur mon Dieu, faites que le diable me tienne sa parole. »